On va parler de football. La semaine passée, on a parlé avec Serge Bouchard, qui a dirigé pour la première fois, qui a été le premier entraîneur de Gloire Mougamba. Gloire qui a accepté les termes avec le Rouge et Or. On en parle avec le principal intéressé. Salut, Gloire. Oui, bonjour. Gloire, félicitations d'abord pour ta, pour, en anglais, en français, je sais pas comment le dire, le commitment qu'on appelle avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Pourquoi le Rouge et Or? J'ai choisi le joueur parce que c'est là-bas que je croyais qu'il avait les meilleurs coaching staff, puis que c'était mieux approprié par rapport à ma famille qui habite à Québec, puis au niveau financier aussi. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres formations qui étaient dans le décor? Oui, il y avait aussi le Concordia, l'Université de Concordia, l'Université de McGill, puis l'Université de Carleton OK. qui m'avait rapproché. Puis Ainsi que GG's, mais j'ai vraiment été plus porté vers l'équipe de Montréal et Québec. OK. Parce que ça a passé proche que ça a passé proche que ce soit les carabins aussi. Non, pas les carabins, les Concordia. OK, Concordia, OK. Si est-ce qu'on te garantit un poste avec le Rouge et Or, le poste de partant, ou encore va falloir vraiment que tu te battes? Non, en fait, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est que la porte était ouverte à tout le monde parce qu'ils pensent que ça va être de la compétition, là. Vu qu'il est rendu à un niveau comme ça, c'est vraiment de la compétition. Puis, il y a eu des changements, il y a eu des personnes qui vont peut-être se faire draft, il y a eu des personnes qui vont quitter aussi. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ne savent pas. Ils réservent aucun poste à personne, en fait. Ils disent seulement que la porte est ouverte à tout le monde dans la compétition. OK. Est-ce que je parlais avec Serge Bouchard la semaine passée, qui était ton premier entraîneur, puis souvent, la porte d'entrée pour les grandes ligues, le football universitaire, le football canadien, c'est les unités spéciales. C'est-tu un poste que tu es capable de faire? Oui, je crois que je suis une personne qui est bonne dans les unités spéciales. Depuis que j'ai commencé le football, ça a été une des choses que j'apprécie le plus, en fait, après être porteur, c'est les unités spéciales. Puis je crois que je peux faire ma marque. OK. Ouais. Comment tu te vois éventuellement? Est-ce que tu te vois comme dans la Ligue canadienne? C'est-tu le but visé? Moi, en fait, je sais pas encore c'est où que je vais aller plus loin, mais tout ce que je sais, c'est que je vais jouer au foot OK. Donc, c'est juste à moi que. Est-ce que le fait que le Rouge et Or, c'est année après année, c'est gage de succès, ils sont à la Coupe Vanier ou pas loin de la Coupe Vanier, ça a fait en sorte que ça a facilité ton choix. Ben oui, bien sûr, c'est sûr que le fait qu'il gagne toujours, ça donne un petit plus à mon choix, mais c'est pas vraiment ça qui a fait pencher la balance, mais c'est sûr que ça aussi, ça donne un petit plus. OK. Ce que Serge me disait, c'est que vous avez travaillé très fort à l'époque avec lui pour les notes scolaires. C'est important au football universitaire, que c'est important aussi. T'as-tu amélioré ça de ce côté-là? Oui, en fait, j'ai jamais vraiment eu la misère à l'école. C'est plus par rapport à la motivation. Quand j'étais plus jeune, à Chibiamo, j'avais plus la misère à vouloir aller à l'école. Mais depuis, je m'ai appris que si je voulais jouer au foot, c'est vraiment que je devais vraiment aller à l'école. Puis depuis qu'on avait eu une conversation là-dessus, il y a comme eu un déclic. Puis l'école, c'est important. OK. Est-ce que tu aurais cru ça vraiment un jour? T'sais, quand tu étais à Chibougamau, je me rappelle très bien, c'était 4, 5, 6 touchés par rencontre. Est-ce que tu aurais, à l'époque que tu jouais avec l'équipe des Faucons, est-ce que tu aurais cru qu'un jour tu allais avec le Rouge et Or? Peut-être même les Canadiennes? En fait, lorsque je jouais au foot à Chibougamau, c'était aussi un bâtard, fait que je ne savais pas encore quelle pratique décider en fait entre les deux sports. Puis il y a eu un moment où j'étais faire le jamboree à Québec, c'est là qu'il a tout chamboulé, puis Donc, je pourrais dire que non, je me croyais encore dans Ton frère aussi va prendre une décision très importante, hein? le Est-ce qu'il y a, il y a combien d'universités dans parce que c'est pas d'université, mais c'est du high school, puis on me dit que Ouais. ça pourrait même aller dans l'NCFR aussi, là. Ah, c'est tellement sûr que m'a invité. Je crois qu'il y a battu combien de records ici dans la Ligue de Division 1? Il les a tous battus. Il a été 3 fois MVP. Mon frère, c'est plus cet été, puis l'été d'avant, il est bien lancé, puis je pense que c'est sûr à 100% même qu'il va peut-être en Oh, il vise la NFL, tu dis? Ah, mon frère, moi, c'est mon opinion. Ouais, ce serait, ça Mais serait. ça, je trouve que c'est un D1 bounce. C'est sûr qu'il va prendre un D1. Ce serait quelque chose quand même. Quand on pense à tout ça, un gars de Chicoutimi qui pourrait peut-être jouer, qui est natif de Chicoutimi, qui pourrait jouer un jour pour les Wolverines du Michigan, les Buckeyes de Ohio State ou quelque chose de même, ce serait vraiment grandiose, là. Qui sait, qui sait que c'est à partir de Chicoutimi. Ben Gloire, on va te suivre à compter de la saison prochaine. On va s'appeler. J'ai surveillé ça, les joueurs de la région qui font vraiment du. On a surveillé très près Shane Gauthier, Alexandre Gagnon. Puis là, d'en avoir un troisième de la région avec dans des hautes sphères de football, ben c'est pas mal intéressant. Puis bravo, puis bonne chance. Ah, merci beaucoup. Je Gloire. viens de regarder aussi mon coéquipier qui est avec moi, Charles-René Bouchard, qui était il joue au Centurion. Lui aussi, c'est un gros club. Je crois qu'il y a des grandes choses qu'il va avoir pour lui aussi. Donc lui, il est avec l'Université Laval aussi? Non, il est avec moi au campus à prendre de fois. Ok, effectivement. Ben lui, c'est un beau prospect aussi, là. Ouais, Un exactement. gros prospect football canadien, peut-être. Ben Gloire, on va surveiller de près, on va surveiller ton frère également, puis on se rappelle bientôt. Non, merci. Gloire Mogamba, qui va s'aligner avec le Rouge et Or natif de Chibougamau.